J'en ai marre de toi, tu es le mal ou le bien. Je ne t'aime ou je ne t'aime pas, j'hésite, je ne comprends plus. Je suis perdu, quand tu n'es plus seul, je ne suis plus rien pour toi. Tu te moques et tu me blesses, tu me parles quand ça te chante. Restes-tu avec moi juste pour faire passer le temps? Sommes-nous amis ou ennemis? Il y a des fois je me demande. Tu me fais rire, mais tu rigoles aussi de moi. T'es sympa seulement quand ça te va. Je t'aime que quand tu es toi. Oui mais voilà, qui es-tu? J'en ai marre de toi, tu es le mal ou le bien. Je ne t'aime ou je ne t'aime pas. J'hésite, je ne comprends plus. Je suis perdue. Je suis quoi pour toi? Ton livre, je suis quoi? Une lettre, une consonne, une voyelle, un mot qui a du sens ou pas. Une phrase invisible au milieu des autres. Un paragraphe important, je ne sais pas. Un chapitre, le premier ou le dernier. Ou bien juste une tache d'encre autour du titre. J'en ai marre de toi, tu es le mal ou le bien. Je ne t'aime ou je ne t'aime pas. J'hésite, je ne comprends plus. Je suis perdue. Je ne sais pas si tu me vois, mais moi oui. Je crois que t'es sensible, je pense même que tu me comprendrais. Mais j'ai perdu espoir de pouvoir te revoir. Je voudrais que tu sois sincère, que pour moi ça soit clair. Mais apparemment tu préfères garder ta part de mystère. On dirait que tu m'ignores. Puis de l'autre tu me regardes. J'en ai marre de toi, tu es le mal ou le bien. Je ne t'aime ou je ne t'aime pas. J'hésite, je ne comprends plus. Je suis perdue. Regarde mes yeux, ils brillent de tout. Ils espèrent, ils rêvent, ils attendent. Mais surtout ils pleurent. Ou alors c'est mon cœur qui crie de mon intérieur. J'en ai marre de toi, tu es le mal ou le bien. Je ne t'aime ou je ne t'aime pas. J'hésite, je ne comprends plus. Je suis perdue. Comment te dire mes sentiments? J'ai peur de te perdre. Je ne veux plus souffrir. Chaque jour je me relève de mes blessures. J'irai jusqu'au bout. Même si pour ça, je dois t'oublier. Mais voilà pour l'instant, je t'aime, je t'aime.